Petit frère, je vais te dire, la première chose à faire, c'est de croire en Dieu. Il sortira toujours d'affaires, crois-moi qu'il a un plan pour toi et le meilleur qui te conviendra. Même si c'est dur de le voir des fois, fais-lui confiance, il te guidera. Tant que tu le déçois pas et que tu suis le chemin droit, tu verras, il sera toujours là à tes côtés, te dirigera. Ne tente pas d'essayer de comprendre tout ce qui t'arrivera. Contente-toi d'aller de l'avant et d'avoir la foi. Tu verras. Tout ira bien pour toi et si tu tombes, si tu demandes pardon et relève-toi. Tu verras comme il te reprend dans ses bras. Si tu te reprends sincèrement et te reprends, il sera là. Si un jour la situation paraît perdue, impossible, ou que l'issue à un problème pour toi est introuvable, reste stable, demande à Dieu de l'aide, des prix dans le calme. Car pour ceux qui se tournent vers lui, rien n'est infaisable. Dis frère en Dieu, faut avoir la foi et confiance en toi. Et fais bien autour de toi. Dis frère en Dieu, faut avoir la foi et confiance en toi. Et fais bien autour. Règle numéro 2, c'est toujours croire en toi. Sois toujours courageux, faut jamais dire que t'y arriveras pas. Je dis pas que tout va être facile, baisse pas les bras avant de tenter. Ne dis pas que c'est difficile avant d'avoir essayé. Ne sois pas non plus prétentieux ni orgueilleux. Cherche et développe tes vertus le mieux que tu peux. Tout un chacun a des qualités qu'il doit trouver. Quand il les a repérées, faut les développer. Mais pendant que t'es encore jeune, la première chose à faire c'est tes devoirs, c'est ton avenir. Tu seras content plus tard. Ça t'évitera d'avoir envie de pleurer le matin quand tu te lèves. Pour un travail qui te convient pas et qui t'émane de tes rêves. Très important, sois à l'écoute de ta conscience. Et si tu as choisi une route, va jusqu'au bout et confiance. Mais un conseil, écoute les conseils des plus vieux, des plus vieilles, de ceux qui sur toi le soir veillent. Dis frère en Dieu, faut avoir la foi et confiance en toi. Et fais bien autour de toi. Dis frère en Dieu, faut avoir la foi et confiance en toi. Et fais bien autour de toi. La troisième règle, traite de ton comportement avec les autres. Faut être toujours compatissant, se mettre à leur place et tâcher de les comprendre. Ce que t'aimerais qu'on te fasse, pour eux faut l'entreprendre. Si tu fais toujours le bien, ça te sera rendu. Ne trahis jamais personne et ne critique pas non plus. Garde les secrets qu'on te confie, tiens toujours ta langue. Avant de parler, réfléchis, surveille toutes tes paroles. Et s'il te plaît, envers les plus âgés, faut du respect. Toujours bien leur parler. Ne rejette pas les pierres qu'on te lance, laisse plutôt par terre. Et évite donc les ennuis, t'as beaucoup mieux à faire. Il reste une dernière chose à dire, petit frère, écoute bien ça. Parlons des drogues pour finir, d'alcool et du tabac. Je serai pas là le jour où on t'en proposera. Mais pour faire ton choix, rappelle-toi de ceux qui sont au cimetière pour ça. Dis frère en Dieu, faut avoir la foi et confiance en toi. Et